L'ensemble de cette œuvre est lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. À Éléonore. Aimer à 13 ans, dites-vous, c'est trop tôt? Eh, qu'importe l'âge. Avez-vous besoin d'être sage pour goûter le plaisir des fous? Ne prenez pas pour une affaire ce qui n'est qu'un amusement. Lorsque la saison vient de plaire, le cœur n'est pas longtemps enfant. Au bord du nom de fugitive, reine des buissons d'alentour, une rose à demi captive s'ouvroie aux rayons d'un beau jour. Égarée par un goût volage, dans ces lieux passe le zéphyr. Il l'aperçoit et du plaisir lui propose l'apprentissage. Mais en vain, son air ingénu ne touche point la fleur cruelle. « De grâce, laissez-moi, » dit-elle. « À peine vous ai-je entrevue, je ne fais encore que de naître. Revenez ce soir, et peut-être serez-vous un peu mieux reçu. » Zéphyr s'envole à tire-d'aile et va se consoler ailleurs. Ailleurs, car il en est des fleurs à peu près comme de nos belles. Tandis qu'il fuit, s'élève un vent un peu plus fort que d'ordinaire, qui, de la rose, en se jouant, détache une feuille légère. La feuille tombe, et du courant elle suit la pente rapide. Une autre feuille en fait autant, puis trois, puis quatre. En un moment, l'effort de l'aquilon perfide eût moissonné tous ses appâts faits pour des dieux plus délicats, si la rose eût été plus fine. Le zéphyr revint, mais hélas, il ne restoit plus que l'épine.